Bonjour tout le monde, c'est Tibulus, le lutin du Père Noël, celui qui vient au micro pour vous présenter le podcast de l'Avent. C'est comme le calendrier de l'Avent, mais c'est sonore et c'est à déguster. C'est tellement bon d'écouter les surprises qu'on vous propose. Derrière chaque case, il y a une surprise. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre, donc c'est la case 12. Je vais l'ouvrir. Un habitué ! Salut les amis, c'est Titou. Titou, tu viens souvent nous voir, t'as souvent plein de bêtises. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nos amis en apprennent plus sur toi. Et du coup, la surprise, ça va être l'interview de Lutin, de Lutin du Père Noël. Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Pour apprendre à mieux te connaître, quel est ton plat préféré ? J'aime bien les chichis, tes bonbons, tes tablettes de chocolat et du hachis parmentier. Ah bah ça a l'air super bon, moi j'adore ça aussi. Et 5 fruits et légumes par jour, j'imagine. Oui. Oui, quand même, il faut avoir la ligne de lutin. Oui, une question me vient aussi, combien y a-t-il de lutins dans l'atelier du Père Noël ? Je crois que les auditeurs veulent savoir combien vous êtes ? On est environ 300, 350, un truc dans le genre. Un truc dans le genre ? Et au moment des fêtes, vous êtes un peu plus ? Oui, un peu plus. Eh bien, c'est une petite fourmilière à lutins, ça doit être vraiment impressionnant de voir tous ces lutins travaillant ensemble dans l'effervescence et la joie de Noël, je pense. Dis-moi, en tant que lutin, quels sont les avantages principaux ? Moi, déjà, mon premier avantage, c'est que les lutins, c'est qu'ils ont des longues oreilles, ils entendent beaucoup mieux. Et aussi, on peut utiliser les jouets avant les enfants, quand on les a fini de les fabriquer. Ah bah oui, tous les nouveaux jouets, eh ben, vous pouvez les utiliser avant tout le monde. Ça, c'est super bien. Ah tiens, une autre question. Quelle est ta couleur préférée ? Le vert. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Merci. Et autre question, quelle est ta boisson préférée ? Le coca. Le coca ? Ah bah oui. C'est vrai que c'est pas banal en Laponie. Le coca. Autre question, où rêves-tu d'aller ? Parce que là, tu vis la plupart du temps en Laponie, dans le Grand Nord, dans les grandes forêts de sapins enneigés. Où est-ce que tu aimerais aller en vacances si tu pouvais ? Bah ici, il fait très froid. Je me serais dit d'aller partir à Tahiti, aux plages chaudes. Ouais, découvrir les plages de sable blanc, je comprends. D'ailleurs, le Père Noël les survole. Lui, il les connaît un petit peu au moment du 24 décembre. Allez, dernière question très difficile. Entre le Père Noël ou la Mère Noël, qui est le plus sympa ? Les deux sont autant gentils. Ouais, c'est impossible de choisir. Moi, je les connais bien et pareil, je pourrais pas dire. Le Père Noël, il est tellement attachant et la Mère Noël est tellement gentille. Elle est toujours attentionnée avec les lutins. Non, vraiment, ces deux-là sont inséparables. Bah merci, je crois qu'on en connaît plus sur nos amis lutins. Je te propose de retourner à l'atelier. Oui, au revoir les amis. Au revoir.